traversant nos vies en cherchant le bonheur. Mais c'est pour notre malheur que l'illusion nous fascine, nous fascine. Et tous les bruits du monde fracassent le silence qui seul nous éveille au sens de la vie. Fais de nous une merveille, un être humain. Seul nous éveille au sens de la vie. Fais de nous une merveille, un être humain. Mais nos cœurs sonnent creux quand pour seul idéal nous suivons les pas malheureux des faiseurs du mal. Il faut tout arrêter, suivre un autre chemin. Se questionner, plonger au cœur du silence qui seul nous éveille au sens de la vie. Fais de nous une merveille, un être humain. Le silence nous éveille au sens de la vie. Fais de nous une merveille, un être humain.